Ma coque encore une place, fais mal de la place. Ça, tu me comprends, c'est mon Get your ear off!